Raymond Poirier est avec nous pour parler technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on va se déplacer du côté de la Grande-Bretagne pour parler de l'année du code. Exactement. Ils ont consacré 2014 comme étant Year of Code. Qu'est-ce que c'est l'année du code? C'est une bonne question. C'est une grande campagne de sensibilisation qu'eux font à l'échelle nationale, une réforme éducative également qui serait effective dès septembre 2014. L'idée, c'est essentiellement dans enseigner les rudiments du code, d'accompagner les gens dans l'appréhension de la sphère informatique. Évidemment, c'est le genre de grandes questions qu'on lance quand on entend des initiatives comme ça, c'est de savoir mais pourquoi on veut essayer de convertir ou d'accompagner une nation presque entière à la question de la programmation informatique. Et la réponse, en fait, du secrétaire d'État à l'éducation de Grande-Bretagne, ça a été, ben regardez, nous n'avons plus le choix. Donc, eux ont annoncé donc la mise en place de ça au début de l'année 2014. Ils ont réuni un consortium d'experts aux compétences assez variées pour essayer de voir un peu quel aspect mettre de l'avant, de quelle manière mettre de l'avant. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser les Britanniques à la thématique du code par une toute nouvelle approche. Donc, l'idée, c'est essentiellement donc de donner de nouveaux outils, si on peut dire, aux citoyens. Non, on parle de code de programmation. On parle de code de programmation, en fait. Et pour donner un peu l'esprit de cette campagne-là, il y a un des membres de ce groupe-là qui s'appelle Dan Crow, qui est professeur d'informatique à l'Université de Leeds, conseiller donc pour le programme, qui disait, et je cite, « Dans ma jeunesse, je devais écrire des lignes de code pour que l'ordinateur effectue une tâche la plus simple. Aujourd'hui, j'ai dans ma poche un ordinateur qui est 100 000 fois plus puissant, qui est capable d'accéder simplement et quasi instantanément à un foisonnement de connaissances. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dominé par le software, dont le langage n'est autre que celui du code informatique. » Et il dit, donc, si on connaît ces rouages, eh bien, on détient un pouvoir qui n'a de limite que celle de l'imagination. Donc, essentiellement, c'est, si on permet l'anglicisme, dans une perspective un peu d'empowerment des citoyens, donc de donner le pouvoir, de donner une connaissance qui va permettre aux citoyens peut-être de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces machines-là. Parce qu'effectivement, je pense qu'on en avait parlé il y a ça plusieurs années, ben plus l'informatique a évolué, moins on a conscience de ce qui se passe en dessous du capot. Un peu comme dans le cas d'une automobile, où il y a pas mal de gens qui ne savent pas comment le moteur marche. Donc, on sait qu'il y a un moteur, on se doute qu'il y a des fils, qu'il y a des éléments qui se relient. Mais si on met devant le moteur et on me dit « fais-le marcher », je n'en suis pas capable. C'est la même chose avec l'informatique, mais dans certains cas, peut-être qu'il y a plus de gens qui se doutent un peu ou qui ont une vague idée de quelle façon le moteur fonctionne, mais qui n'ont pas nécessairement d'idée de la façon dont leur ordinateur fonctionne. Mais le moteur reste quand même un peu plus tangible parce que quand on ouvre le capot, on voit les éléments, on voit le moteur, alors que dans l'ordinateur, ben, le code, c'est des lignes et des lignes, c'est des chiffres, c'est des lettres, c'est des symboles. Donc, ça devient un peu plus du chinois là, que peut-être regarder le moteur, de voir quel tuyau est relié à quoi. Et dans ce contexte-là, la campagne, Tania, que lance un peu le gouvernement britannique, c'est une réforme, donc comme je dis, éducative d'ampleur quand même assez imposante. Donc, c'est avec le concours de la British Computer Society, de la Royal Academy of Engineering, des entreprises aussi qui œuvrent en informatique, qui vont offrir une séance hebdomadaire de culture du code prévue pour un élève sur cinq, donc dès septembre prochain, dès septembre 2014. On va investir pour équiper les écoles d'un réseau de 400 formateurs. Il y a 1,1 million de livres qui vont être dédiés à la mise en place de ressources en ligne. 2 millions qui vont équiper les écoles. Donc, c'est pas rien. Et on dit, ben en fait, pourquoi maintenant? Ça, c'est l'autre grande question aussi. Donc, l'idée, c'est que pour le gouvernement britannique, ça semble indispensable parce qu'on craint voir les futures entreprises innovantes se créer hors des frontières britanniques. Et on dit, ben si on a une population qui comprend la machine informatique, qui comprend la nature du code, mais peut-être que justement on va être aussi plus à même d'innover en tant que société. Je connais pas le contexte en Grande-Bretagne, mais ici, par exemple, dans les médias, on voit beaucoup, il y a des coupures, des compressions. Si un employé, par exemple, est capable de faire du code parallèlement à son travail, parce qu'on aime beaucoup ajouter autres tâches connexes à certaines définitions de tâches, mais ça peut devenir intéressant. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de faire en Grande-Bretagne, finalement. Et l'idée, c'est pas de former non plus des programmeurs. Donc ça faut quand même mettre aussi la pédale douce là-dessus. L'approche britannique s'inscrit peut-être dans un mouvement un peu plus vaste qui est celui qu'on appelle la pensée computationnelle. Donc, essentiellement, avec ça, on postule que les logiques de l'informatique théorique peuvent embrasser des réflexions. Donc, d'apprendre l'informatique, d'apprendre comment se construit le code, eh bien, ça permet aussi de développer la pensée et ça donne d'autres outils pour comprendre le monde dans lequel on se place. OK, ça va plus loin. Donc, ça va plus loin. Ouais. On est dans la culture du code au sens large, pas dans le code informatique à proprement parler. Et donc, l'idée, c'est à travers la compréhension du code, d'accompagner les gens dans une manière de penser, de faire prendre conscience, dans le fond, aux gens que le code, c'est pas seulement un langage informatique. Donc, oui, c'est le langage informatique, mais il y a plus. Le code, c'est aussi donc essayer de comprendre la notion de culture numérique qui est reliée. Donc, on sort un peu de la mathématique de la chose pour comprendre plus la logistique, si on peut dire, pour comprendre le système qui est lié à l'implantation de ces codes-là. Donc, le code serait comme un moyen de faire intégrer ou de faire comprendre la culture numérique. Oui, exactement. Parce que l'idée, en fait, c'est, et je cite, en fait, carrément, on dit, donc, il faut fabriquer non pas des alphabétisés du numérique, mais des lettrés du numérique, des gens qui seront délégués à la machine des activités d'écriture. Et il faut donner, donc, par l'éducation, la culture, les repères essentiels et nécessaires pour décoder et naviguer dans ce foisonnement d'informations, d'interconnexions massives et ouvertes, mais aussi de permettre un accès plus large, plus aisé à ces outils par la maîtrise des différents langages dont le code fait partie. Donc, l'idée, essentiellement, d'accompagner les gens pour qu'ils comprennent le code, pour qu'ils sachent où il s'inscrit. Mais évidemment, c'est sûr que ça ce n'est pas utile non plus d'enseigner un langage informatique de manière générale à des gens qui deviendront pas des spécialistes, parce que de toute façon, le code qu'on écrit présentement sur le web, qu'on utilise présentement sur des logiciels, mais dans 5 ans, il va évoluer, dans 10 ans, il va s'être transformé, comme c'est le cas dans le passé. Donc, l'idée, c'est pas d'apprendre donc la mécanique actuelle, mais c'est d'éveiller une curiosité, d'éveiller une compréhension et d'ouvrir des portes à des gens qui voudront approfondir plus pour l'apprendre réellement, mais sinon de donner suffisamment d'outils pour permettre aux gens de le comprendre. Donc un peu comme on regarde le moteur. Donc je pourrais pas réparer mon moteur, mais reste que je sais qu'il y a des systèmes de refroidissement, que je sais qu'il y a de l'huile, que j'ai besoin de l'huile, que normalement l'huile passe par tel tuyau pour aller faire tel ouvrage sur les freins, sur les pneus, sur le système. Je sais qu'il y a des freins, je sais que les palettes servent à... Ben, tu comprends un peu l'image. On a une compréhension quand même de base de la façon dont une auto fonctionne. Mais l'idée, c'est de donner un peu la même base aux gens pour comprendre de laquelle manière leur ordi fonctionne. Mais évidemment, un ordinateur, comme c'est un langage, comme c'est un monde, comme même, en fait, on avait déjà mentionné, dans certains cas, c'est presque un droit démocratique. C'est un outil citoyen, presque, d'avoir accès à l'ordinateur, d'avoir accès au web, etc. Et donc, nécessairement, l'organisation qui est à l'intérieur vient influencer notre manière de lire, notre manière de voir, notre manière de trouver, notre manière de chercher. Et donc, par conséquent, notre manière de penser. Mais Raymond, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec le genre de cours que, ben, par exemple, moi j'ai reçu au secondaire, mais qui est donné au secondaire où on a une introduction, par exemple, à la suite Office. On apprend à travailler avec Word, on apprend à travailler avec Excel et à faire des PowerPoint, par exemple. On ne devient pas des experts, mais est-ce que c'est le même genre ou déjà là, on va un peu trop loin là, dans les cours avec la suite Office, par exemple? En fait, j'ai l'impression qu'on va aller plus loin et moins loin en même temps. Donc l'idée, c'est pas nécessairement... C'est jamais simple. Hein? Non, c'est ça. Dans la mesure, en fait, où on dit, ben, d'un côté, dans l'apprentissage, il faut intégrer des outils informatiques. Donc, c'est certain qu'on peut pas, au contraire, en fait, on peut pas du tout empêcher les jeunes d'utiliser le matériel informatique. On veut plutôt les accompagner dans l'utilisation, mais au quotidien. Donc, la suite Office ou les versions libres, etc., etc., ben, ça, c'est déjà, de toute façon, de plus en plus intégré dans la manière dont on travaille aujourd'hui. Donc, de continuer à l'intégrer, de ne pas l'oublier nécessairement, d'accéder peut-être à une initiation aussi lié au langage informatique, à la programmation, encore là, selon certaines spécialités, mais ce qu'on dit, c'est peut-être justement, c'est des experts aussi qui extrapolent autour de propositions comme celle de Grande-Bretagne, où on dit, ben, est-ce qu'on pourrait effectivement essayer d'accompagner peut-être un peu au niveau informatique, donc d'apprendre quand même des rudiments, donc savoir un peu comment ça marche le code, c'est quoi la base mécanique, donc si on rentre une ligne, si on rentre des types de fonctions, ben ça a des effets d'organisation, donc pour que par après, ben, il y a peut-être aussi conscient justement que ce code-là existe dans les outils qu'ils utilisent. Mais c'est certain que pour beaucoup, ça passe quand même par l'usage, par l'intégration au quotidien. Mais nécessairement, ça implique peut-être surtout qu'on aille au-delà de ça. Donc, dans cette question, comme je te mentionnais, de culture numérique, donc de pas limiter l'enseignement du numérique à des outils qui sont éphémères, à des outils qui... ont une durée de vie qui est limitée parce que ces outils-là sont portés à évoluer. Donc, c'est la notion d'apprendre à apprendre d'une certaine façon. Donc, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, comprendre pour pouvoir apprendre peut-être un peu plus facilement. Pas fabriquer donc des gens qui sont capables d'utiliser une machine fixe, mais plutôt des gens qui sont capables d'apprendre de quelle manière ces structures-là fonctionnent. Ce qu'on dit, en fait, je te lance une citation de Bernard Stiegler, un philosophe français. On fait des sauts vers la France et de la Grande-Bretagne. Lui dit, regardez, il y a toujours des technologies intellectuelles derrière toute forme de savoir. Donc, si un lettré du numérique n'a pas besoin de parler le langage des machines, il doit être capable de théoriser l'instrument lui-même. Donc, à travers une histoire de l'écriture, à travers une histoire de la machine, donc pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu là et où on risque d'aller. Donc, d'aller chercher une certaine compréhension de ce côté-là, mais évidemment, en comprenant l'outil, en intégrant l'outil. Donc, c'est complexe, mais c'est basé donc dans une notion peut-être justement de démocratisation, peut-être d'une certaine façon, à travers tout ça. Oui, c'est à travers l'année du Code, qui est l'année 2014 en Grande-Bretagne. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On retrouve cette chronique et tous les autres sur votre site Internet. Oui, itis.ulaval.ca, et on peut suivre notre veille en temps réel sur Twitter, @itis_ul.